est la dernière des choses sur laquelle nous devons être nous-mêmes des exemples. C'est la question du pluralisme, le respect du pluralisme. L'un des plus grands échecs en Europe, ce n'est pas le pluralisme politique. Ils ont réussi le pluralisme politique. Ils acceptent les partis. Mais c'est le pluralisme religieux et culturel. Ils échouent. À nous de montrer l'exemple qu'en islam, le pluralisme culturel est possible parce que ce n'est pas une tolérance. En tant que musulman, tu n'as pas le droit de tolérer. Tu es obligé de respecter. C'est une obligation. Parce que si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de nous une seule communauté. Il a voulu la diversité, tu es obligé de respecter. Et ça, c'est notre rôle dans cette société-là, d'avoir une attitude par rapport aux autres traditions culturelles et religieuses de respect et d'égalité.